Bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Des employés de l'Office national des télécommunications ont observé un bref sit-in ce matin au siège de cette entreprise en signe de réclamation de 4 mois d'arriéré et de salaire notamment. Reportage à suivre dans ce journal. Et promouvoir le Kirundi pour qu'il devienne la langue d'enseignement au cycle fondamental et post-fondamental, c'est en tout cas une des missions de l'Académie Rundi. Vous en saurez davantage à la lecture du décret présidentiel portant sa restructuration et son fonctionnement. Et environ 30 ménages de Tibitoke déplorent la destruction de leur champ de culture estimé à 17 hectares par des gens qui disent avoir été mandatés par la compagnie de gérance du coton sur la colline Rukina 2 de la commune Rugomo, c'est en province Tibitoke. La direction générale de cette entreprise nie toute responsabilité dans cette affaire. Et la sélection burundaise de football des moins de 23 ans vient de battre celle de l'Érythrée sur un score final de 3-0 dans le tournoi de la CECAFA qui se joue en Éthiopie. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Promouvoir le Kirundi comme langue d'enseignement au cycle fondamental et post-fondamental et mettre à jour régulièrement un dictionnaire Kirundi de référence, voilà certaines missions de l'Académie Rundi telles que contenues dans le décret présidentiel du 12 juillet 2021 portant sa restructuration et son fonctionnement. Ce décret stipule même qu'à part les académiciens qui composent le conseil d'administration sont aussi associés à l'Académie Rundi des personnes ressources qui peuvent être de la catégorie des retraités. Yvette Nijimbele pour les détails. Le décret présidentiel numéro 100/1667 du 12 juillet nomme l'Académie Rundi comme une institution chargée de la supervision et l'exécution de la politique linguistique nationale. Son rôle principal étant d'assurer la souveraineté de la langue et de la culture Rundi. L'Académie Rundi est placée sous tutelle du ministère ayant l'enseignement et la recherche scientifique dans ses attributions. Ce décret présidentiel fixe les missions de l'Académie Rundi qui sont entre autres la promotion et l'usage du Kirundi au Burundi et à l'étranger, assurée en collaboration avec les institutions de formation, la promotion de la recherche sur la langue et la culture Rundi en collaborant avec la Maison de la Culture. L'Académie Rundi promouvra les œuvres linguistiques, littéraires, artistiques et culturelles Rundi. Des programmes d'enseignement de la langue Rundi seront aussi appuyés et validés par cette institution nationale. Les personnes ressources qui peuvent être de la catégorie des retraités ou des personnes ayant des connaissances particulières dans la langue et la culture Rundi, nommées par une ordonnance ministérielle, seront associées à l'Académie Rundi pour appuyer le conseil d'administration. Yvette Nijimbele. Les contrats d'exploitation minière en Afrique en général et au Burundi en particulier sont déséquilibrés. Constat du chercheur en exploitation des ressources naturelles, Prudence Bararunyerete. C'est au moment où le Burundi est en train de signer des accords avec d'autres pays sur les échanges commerciaux, y compris l'exploitation minière. Et ce chercheur estime que cette situation est due en grande partie à des faiblesses de compétences scientifiques et techniques en matière d'exploitation minière dans les pays regorgeant de ces minerais. Suivez-le, ces propos ont été recueillis par Jean Dodieu Irakodze. Ce qui est très important, qui affecte beaucoup plus les contrats de ce genre, c'est le déséquilibre qui existe dans les contrats, cela étant dû généralement à des faiblesses de compétences scientifiques et techniques locales et nationales. La plupart des États africains qui négocient de ce genre de contrats disposent de peu d'informations requises pour évaluer l'étendue des réserves minérales, les coûts potentiels d'extraction et de commercialisation. Mais à contrario, les sociétés et compagnies minières et pétrolières disposent d'un accès illimité aux informations commerciales, aux analyses géologiques, aux technologies d'exploitation, d'exportation, aux ressources financières, aux canaux d'exportation qui concourent à l'optimisation de leurs profits. Et le manque à gagner est très exorbitant. Ici, on a beaucoup d'exemples que ce soit dans des pays comme la Tanzanie, le Burkina Faso, la RDC, et on a trouvé qu'il y a beaucoup de pertes. Par exemple, la Commission des Nations Unies a estimé que les compagnies minières ont augmenté leurs revenus de 32% et leur résultat net de 56%, alors qu'au même moment, les taxes versées aux États africains ont augmenté de 6%. Ça peut aussi occasionner des problèmes avec les partenaires. Si on signale le cas de la RDC, entre 2010-2012, il y a eu des sanctions des partenaires comme la FMI, la BAD, la Banque mondiale, qui a procédé à des sanctions économiques, qui a stoppé les appuis financiers. C'était supposé que le manque à gagner devait contribuer à financer le budget national. Pour le cas du Burundi, donc, nous sommes... Dans cette logique, je pense que généralement, il y a ce problème de déséquilibre dans les contrats et c'est ça qui occasionne des arrêts, des suspensions. Parce qu'à un moment donné, les États jugent que les recettes attendues ne sont pas arrivées et que les promesses faites ne sont pas réelles. Et donc, on est obligé de prendre des mesures de suspension comme ce qu'on observe aujourd'hui. Prudence Bararunyeretse, chercheur en exploitation des ressources naturelles. Et pour lui, le renforcement de l'expertise locale pour que la transformation des minerais soit faite au niveau local serait une des solutions pour lever ces déséquilibres. Encore une fois, on l'écoute. Pour ce qui est de l'exploitation des minerais, la première solution serait le renforcement de l'expertise locale, que ce soit la formation des experts nationaux et l'appui technique aux services qui sont impliqués dans le secteur. Et le cas échéant, on pourrait aussi faire recours à une expertise extérieure avec l'appui des partenaires comme la FMI, la Banque mondiale et d'autres. Ici, il faut également dire le respect de la loi et c'est ça qui pourrait faire améliorer la gouvernance dans le secteur parce que même les compagnies minières ont plus d'intérêt à opérer dans un système qui est bien organisé parce que sinon, elles-mêmes risquent d'être victimes. Il y a également le pays membre de plusieurs initiatives dans le domaine commercial, dans le domaine d'exploitation minière, il faudrait que ces initiatives également puissent aller jusqu'au fond des problèmes parce que l'intérêt qu'on a, c'est que réellement, on puisse avoir des recettes minières qui puissent booster l'économie de nos pays. Généralement, on voit que dans certaines initiatives, dans certaines organisations, on se contente généralement sur la forme et non sur le fond du problème. Aussi, pour le cas des investisseurs nationaux burundais, je pense qu'on devrait aussi penser à ce que ceux qui le peuvent puissent se mettre en association, avoir une compagnie minière assez forte pour être compétitif vis-à-vis des compagnies étrangères. L'une des autres solutions et la plus importante serait la transformation de ces substances minérales au niveau local. Parce que sans augmentation de la valeur, ces minéraux n'apportent pas beaucoup plus d'intérêt. Mais il y a également le déséquilibre qui doit être corrigé. Donc tout le monde a besoin de signer des contrats gagnant-gagnant où il y a équilibre d'information, équilibre de capacité et d'intérêt. C'était le chercheur en exploitation des ressources naturelles, Prudence Bararunyeretse. Il est 13h04 à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Vous y êtes habitué dans la chronique Parler rassurement comme tous les mercredis. Aujourd'hui, nous allons vous parler de comment créer les leaders qui font la promotion de l'inclusion. Rémi Haviarimana de la Maison Lueur d'Espoir explique d'abord que l'inclusion suppose le fait de considérer tout le monde de la même manière, sans aucune distinction. Suivez-le, il sera l'invité dans ce journal. Parle, rassure-moi. L'inclusion, c'est le fait de considérer tout le monde de la même manière, en donnant des chances aux plus méritants, sans distinction. Là, on est dans un état de droit, et là, on est inclus parce qu'on se dit qu'il n'y a aucune barrière qui m'empêche de bénéficier de ce que les autres sont en train de bénéficier. Voilà, il sera l'invité de ce journal. Du sport à présent, le manque de techniciens dans différentes disciplines d'athlétisme, c'est le défi majeur auquel se heurtent les athlètes burundais dans les compétitions olympiques. C'est l'analyse que fait Venis Niyongabo, président de l'association burundaise des Olympiens. Il a déclaré ce mardi dans une conférence de presse qu'il a animée. Au moment où les Jeux olympiques de cette année commencent vendredi à Tokyo au Japon, Eric Nzikwinkunda, un des athlètes qui va représenter le Burundi, fait savoir qu'il s'est préparé pour cet événement sportif. Omer Douayo. Lors de la conférence de presse animé ce mardi par Venuste Niyongabo, président de l'Association burundaise des Olympiens, il a indiqué que le manque de techniciens dans les disciplines burundaises d'athlétisme est le défi majeur qui n'autorise pas les athlètes burundais à décrocher les médailles d'or dans les compétitions des Jeux Olympiques. Il faut qu'on cherche de se réorganiser, donc donner la place aux techniques, donc les entraîneurs. Les entraîneurs, je pense qu'ils n'ont pas suffisamment de place. Et il faut que le sport retourne dans les écoles. Moi, je suis le témoin. J'ai été le champion olympique parce que j'ai été à l'école. Et à mon époque, il y avait beaucoup de sport dans les écoles. Je me souviens quand j'étais en 8e, il y avait 3 meilleurs athlètes dans l'école inférieure et supérieure qui s'entraînaient ensemble pour qu'ils se préparaient pour le championnat national. Le championnat national, il regroupait les militaires, il regroupait les civils, il regroupait les élèves. Et ça, je pense que ça manque. Cette légende, seul Olympien burundais qui détient la médaille d'or dans les Jeux Olympiques demande aux athlètes burundais d'afficher le comportement digne lors des Jeux Olympiques qui commencent vendredi de la semaine en cours. La volonté d'athlète, quand il a 4 ans de l'olympisme, ça veut dire qu'il va attendre encore 8 ans. Donc il faut qu'on aille pour qu'on décroche une médaille et je le souhaite. Francine, c'est sûr qu'il a la possibilité de décrocher la médaille. Et Eric qui vient de se qualifier, je sais qu'il a une grande détermination pour faire de bonnes choses. Eric Nzikwinkunda, l'un des athlètes burundais qui va représenter le Burundi dans ses compétitions internationales, fait savoir qu'il s'est bien préparé pour cet événement sportif. Les Jeux Olympiques de 2021 vont démarrer dans la capitale de Tokyo, au Japon, le 23 juillet pour se clôturer le 8 août 2021. Le Burundi sera représenté par 6 athlètes dans 3 différentes disciplines, à savoir l'athlétisme, natation et le boxe. Environ 30 ménages de la province de Cibitoke déplorent la récente destruction de leurs champs de culture estimés à 17 hectares par des gens qui disent avoir été mandatés par la compagnie de gérance du coton sur la colline Rukina 2 de la commune Rugombo en province de Cibitoke. Ces habitants regrettent qu'ils ont saisi les responsables administratifs, mais sans succès. Le directeur général de la COGERCO nie toute responsabilité dans ces destructions et affirme que personne ne les a envoyés abîmer ces cultures. De son côté, le gouvernement de la province de Cibitoke, Karim Bizoza, demande plutôt la poursuite en justice des auteurs de ce forfait. C'est une information que nous devons à notre correspondant à Cibitoke, Jackson Bahati. Place maintenant à l'invité de notre journal. À la source, interview. Et je l'avais annoncé tout à l'heure, Rémi Havdiarimana de la maison Lueur d'Espoir s'entretient avec Aubin Niyonguru. Rémi Havdiarimana, vous êtes de la maison Lueur d'Espoir. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, dans notre chronique, nous parlons de la façon de comment on crée les leaders qui font la promotion de l'inclusion. Mais tout d'abord, qu'attend-on par l'inclusion? Merci. L'inclusion, c'est le fait de considérer tout le monde de la même manière en donnant des chances aux plus méritants sans distinction. Alors, comment une société peut créer des leaders qui font cette promotion de l'inclusion? C'est une question assez complexe parce que d'abord, pour qu'une société crée, c'est difficile parce qu'il faut comprendre que la société est ce qu'elle est parce qu'elle est diversifiée. Soulignons d'abord que la crise qui souvent caractérise la cohabitation est incontournable et même indispensable dans une communauté. Alors, la société donc est faite de ceux qui dérangent les autres, mais aussi de ceux qui équilibrent les dérangements. Donc, que la société crée les gens qui créent ceux qui peuvent promouvoir l'inclusion, c'est donc pas très facile, mais il y a ces personnes qui sont assez équilibrées et qui veulent justement promouvoir l'inclusion, le bien-être des autres, et qui essaient de comprendre, de cultiver l'empathie, et ce qui fait que, justement, la situation se retrouve normalisée. Disons que c'est difficile de trouver dans une société une sorte d'école où on apprend à être inclusif, où on apprend à être équilibré. Mais heureusement, il y a des exceptions de ces personnes qui font justement ce qu'il faut pour que finalement la situation se retrouve en très équilibré. Donc, la promotion ne proviendra que par le fait qu'une personne est convaincue, elle inculque cela peut-être dans sa famille nucléaire. Les enfants vont grandir avec cette culture et finalement, ils vont propager au fur et à mesure cette culture. Finalement, le cercle va s'élargir au fur et à mesure. C'est une opération qui est très lente, qui prend beaucoup de temps. Et finalement, plus tard, si ce groupe s'élargit et s'impose, on aura une société qui est équilibrée, qui est inclusive. Mais ça prend beaucoup de temps parce que c'est difficile d'avoir une communauté totalement faite comme ça. Disons qu'il y en a peut-être certains qui promeuvent cette inclusion. Alors comment alors ils peuvent être multipliés ou bien même faire des alliances entre ces témoins actifs Soulignons un élément important qui est la culture. La culture est quelque chose qui est très très importante dans le développement de ces leaders parce que une culture qui connaît des crises comme la culture burundaise actuellement a tendance à beaucoup plus apprécier les malfaiteurs que les bienfaiteurs, les déstabilisateurs que les constructeurs. Et ce qui fait que les jeunes, une bonne partie de la jeunesse a malheureusement tendance à imiter ceux qui gagnent facilement leur vie malhonnêtement que ceux qui sont en train de promouvoir justement ce leadership équilibré. Alors, le comportement de ces gens-là, donc, peut faire à ce que, grâce à la communication, grâce à la conjugaison des efforts, que ces gens se localisent, se connaissent, et les opportunités d'échanger, de discuter, de s'encourager mutuellement, parce que souvent, ils se retrouvent dans des situations où ils sont plutôt marginalisés, humiliés même par le bien qu'ils font, mais s'ils parviennent à se localiser, se parler, là ils s'encouragent mutuellement, se renforcent et finalement un jeune ou une autre personne qui les observe peut se dire finalement vaut mieux vivre comme cela, qui sont à l'aise beaucoup plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que c'est comme ça qu'est la situation. Oui, Rémi Abdalimana, vous êtes de la maison Lueur d'Espoir, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et dans la suite de ce journal, la sélection burundaise de football des moins de 23 ans vient de battre celle de l'Érythrée sur un score final de 3-0 dans le tournoi de la CECAFA Challenge Cup, abrité par l'Éthiopie. La deuxième partie de ce match interrompue hier à la 47e minute par les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le stade Bahir Dar le soir de ce mardi. C'est disputé le matin de ce mercredi. Les trois buts marqués par les Hirondelles leur font espoir. Au tour suivant, avant la rencontre qui les opposera à l'Éthiopie le 23 juillet. Et des employés de l'Office national des télécommunications ONATEL ont fait un sit-in de 30 minutes ce mercredi matin devant la direction générale de cette entreprise. Ils réclament 4 mois d'arriéré de salaire, la reprise des cotisations à l'Institut national pour la sécurité sociale et INSS et à la mutuelle de la fonction publique. Le directeur général de l'ONATEL reconnaît 3 mois seulement d'arriéré de salaire et demande plutôt à ses travailleurs d'augmenter le rendement afin d'être payé. Et dans le reste de l'actualité internationale, les inondations qui touchent la province du Henan au centre de la Chine ont été qualifiées d'extrêmement graves par le président chinois Xi Jinping, avec des scènes de chaos mardi 20 juillet dans la ville de Zhengzhou qui a vu tomber en 3 jours l'équivalent d'un an de pluie, une capitale provinciale où l'armée a été appelée en renfort. Et je vous l'avais dit, environ 30 ménages de Cibitoke déplorent la destruction de leur champ de culture estimé à 17 hectares par des gens qui disent avoir été mandatés par la compagnie de gérance du coton sur la colline Rukina 2 de la commune de Rugombo. La direction générale de cette entreprise nie toute responsabilité dans cette affaire. Sheila Irambona. La population de Rukina 2 indique qu'ils occupaient ces champs saccagés depuis une 60aine d'années. Selon eux, ces hectares ont été saccagés par le responsable de la coopérative Tuguizu Mwimbu Mwikogwa qui œuvrait dans cette localité. D'après eux, il était accompagné par des hommes en tenue militaire. Personne ne nous a averti. L'administrateur nous a dit ne pas en être au courant. Le gouverneur, nous l'avons rencontré à Rougofam et nous a avoué n'en savoir rien. Ces bananeries existent depuis longtemps, les années 60. Si c'est la Cogerco, elle doit nous expliquer comment elle abîme nos champs à notre insu. Les habitants de Lukana 2 s'indignent du fait qu'ils n'ont pas été mis au courant. Ils pointent du doigt la Cogerco. La société aurait mandaté ces gens pour faire cette tâche, chose que nie la société. De son côté, le gouverneur demande que ces gens soient punis selon la loi. Le terre de Manian, il y a la population qui est en train de s'en approprier et coupe les forêts à Rukana pour exploiter les terres. Administration de Rugombo, je le dis solennellement, on va partir ensemble pour en faire le constat. Les responsables administratifs de cette localité, dont je t'ai parlé hier, arrange-toi pour trouver ces destructeurs afin de les stopper. Ces champs qui ont été saccagés ont une superficie de 17 hectares. Sheila Irambona, vous aurez compris que c'est la colline, Rukana 2 et non Rukina, comme je le disais tantôt. Il est 13h17 à Bujumbura et sur Isanganiro. Et c'est par là que nous bouclons définitivement ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par François Akimana au micro. Jean Bosco Ndouimana, passez un très bon après-midi.